La coopérative de camionnage de Saint-Félicien félicite Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette de Saint-Félicien pour leur présence aux Jeux olympiques de Pyeongchang. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté puisqu'il possède des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionnage de Saint-Félicien sont situés au 905 boulevard Hamel, au numéro de téléphone 418-679-4194. On va essayer de commencer une nouvelle chronique de la Ligue du Lac au Fleuve. On va parler avec toutes les semaines avec le directeur général de la Ligue du Lac au Fleuve, Mathieu Caron. Parler un peu des séries, puisque les séries s'en viennent dans cette Ligue-là. Parler également de qu'est-ce qui se passe. Robert Val, comment qu'on voit ça du côté de la Ligue du Lac au Fleuve? On en parle avec Mathieu Caron. Salut Mathieu. Salut, Danny. Mathieu, on va parler d'abord de Robert Val. Comment tu vois ça? Moi, je pense qu'il n'y a pas de quoi... Il est du côté des Ligues du Lac au Fleuve, il n'y a pas de quoi paniquer. Je me suis prononcé dès le départ que Robert Val était trop petit pour avoir une concession de la Ligue nord-américaine. Comment vous voyez ça, vous autres? Ça pourrait être une certaine menace, là. Ben écoute, à ce sujet-là, je comprends que oui, la Ligue de hockey, la Ligue nord-américaine, c'est quand même un beau calibre à voir. C'est du beau hockey qu'on peut y voir. Moi, mon opinion que j'ai un peu à ce projet-là, c'est que je crois que avoir deux gros clubs de cette ligue-là dans la même région, je crois que ça risque peut-être plus de, oui, va nous toucher un peu, mais ça risque de toucher un des deux équipes aussi. Parce qu'il faut penser, mettons, le bassin de joueurs. Tu sais, la Ligue nord-américaine, là, dans une équipe, là, mettons, on prend les équipes du Saguenay ou, mettons, Robert Val, comment que le pourcentage de joueurs régionaux va être dans ces équipes-là? T'sais, les Marquis, présentement, ils ont 3-4 gars qui sont de la région. Sinon, ouais. Le reste sont tout à l'extérieur. Tandis que Robert Val, ça va être quoi? Côté bassin de joueurs, même dans notre ligue, à nous autres, côté senior, Robert Val, on va le dire, là, on n'a pas beaucoup de joueurs qui proviennent de Robert Val qui jouent dans notre ligue. Fait que c'est pour ça que je me dis, nous, notre ligue, là, c'est une ligue qui est 100% régionale. Donc, tous les joueurs qui jouent dans notre ligue, c'est des gars de la région. Eux autres décident de jouer au hockey dans leur région, puis d'avoir du fun en chum entre eux autres. Fait que c'est pour ça que nous autres, notre ligue, là, comment on voit ça, c'est que, tu sais, je vous dirais que, moi, je pense avoir un deuxième club de la ligue nord-américaine, ça sera pas avantageux ni pour un ni pour l'autre. Mmh. Moi, je crois bien que, tu sais, nous autres, là, une ligue régionale, une ligue senior régionale, puis c'est pour ça que je me dis que, moi, pour ma part, là, on verra ce que ça dira. Est-ce que ça va avoir vie un jour? On ne sait pas. Il y a toujours des spéculations qui se passent à ce sujet-là. J'entends aussi de mon côté à ce niveau-là, mais c'est pas un grand stress pour nous autres en tant que tel. Ben, il n'y a pas de quoi être stressé parce que je pense pas que ça marche longtemps. Si ça fonctionne, je pense pas que ça fonctionne. Écoute bien, là, c'est pas compliqué. La traversée internationale du lac Saint-Jean, qui est une activité qui est familiale, qui est une activité qui en ratisse large, va chercher 250 à 300 000 $ de commandite par année. Et c'est à peu près le même montant que puis ils ont de la misère. Là. Il y a cherché un président d'honneur, un gros président d'honneur et ainsi de suite. Là, tu demandes à la Ligue nord-américaine de hockey, année après année, d'aller chercher ça en commandite et en bande et ainsi de suite. Ça va être très, très, très difficile. Ils peuvent l'implanter, mais de l'implanter, c'est une chose, mais de la conserver, c'est une autre chose. Là. Puis de la faire... Mais tu es d'accord avec moi aussi qu'à ce niveau-là, là, quand on commence à parler de joueurs payants puis tout, qu'est-ce que ça a été? Puis t'étais là dans ce temps-là. Quand il y a eu le senior dans cette région-là, c'est qu'est-ce que tu es le senior? C'est au moment que ça a commencé à payer. À ce moment-là, là, ça a commencé à tuer le senior à ce niveau-là. Fait que moi, je pense pas que. Moi, j'ai mon opinion là-dessus. Je pense pas que les commanditaires, vous savez, que j'ai payé, c'est à peu près 800 000 présentement. Ils veulent peut-être baisser ça à 500 000 par année, mais je dis, si on est juste capable d'avoir 300 000 de commandes pour une grosse activité, ça se peut être, mais moi je pense qu'en redevance, là, pour Robert Val, j'ai la misère à le croire. T'sais, côté joueur, on regarde le junior de présentement, malheureusement, c'est le junior de Robert Val, et ils ont eu de bonnes équipes qui ont commencé il y a 2-3 ans. Mais là, présentement, là, on est dans un creux parce que là, tu sais, la relève a passé par un système qu'au Québec ont changé côté mise en échec. Fait que là, maintenant, ces joueurs-là arrivent dans le junior, ça commence à frapper, si tu sais, je regardais des joueurs là qui mesurent 5 pieds, 5 pieds 3, tu sais, ça va être quoi par la suite? Non. Tu sais, je vous dis, avoir un club à ce niveau-là, là, c'est, ça risque, moi, je pense que ça risque d'être très, très difficile pour, tu sais, côté financier, côté joueur, puis, tu sais, Jonker est beaucoup plus gros que Robert Val. Puis Jonker, malgré tout ça, a de la misère. Ils font le frais, ça va quand même assez bien, mais c'est beaucoup plus gros. Donc, il n'y a pas de quoi, je pense, à paniquer. Mais par contre, Robert Val, ça pourrait être une maudite belle expansion pour vous autres, par exemple. Ça, est-ce que ça en parle dans les cartons de la Ligue? Côté expansion, présentement, là, on est en train de regarder, on a différents plans. On est en train d'évaluer comment on voit l'avenir. Juste hier, au bureau des gouverneurs, on a discuté de ce point-là. Je peux pas trop avancer de sujet là-dessus parce qu'il n'y a rien de défini en tant que tel. Mais je crois que présentement, l'importance, nous autres, c'est qu'on ait des équipes qui sont en santé, tant côté financier que côté joueur. Fait que c'est toutes ces choses-là qu'on est en train de regarder à ce niveau-là. On a une expansion, on a déjà des discussions avec une organisation présentement pour pouvoir expansionner. Je peux pas nommer le nom à rien parce qu'il n'y a rien de confirmé encore de leur côté. Mais il y a de l'intérêt pour notre ligue, puis on a un intérêt aussi à y aller. Par contre, il faut penser aussi que si on commence à avoir trop de clubs dans la région, là, on va venir diluer un peu nos joueurs, nos bassins de joueurs, les équipes, les joueurs au niveau des équipes. Est-ce que ça va être bon d'avoir deux clubs au Lac-Saint-Jean, deux clubs au Saguenay d'évaluer? Moi, je crois que présentement, à quatre équipes comme qu'on est là, si l'expansion ne marche pas, on est en santé encore. Ben, ça prendrait au moins une autre équipe. Ça prendrait une à deux équipes au moins encore, là. C'est sûr et certain que si on montrait à six équipes, ça serait super intéressant. Ben oui. Mais encore là, comme je dis, on attend les plans, puis on attend un peu la stratégie. Mais tu sais, je peux dire qu'avoir deux clubs dans la même région, dans le même secteur, ça peut être difficile des bassins joueurs et tout. OK. Au mois, quand est-ce que vous allez prendre une décision finale pour le mois de mai, quoi? Parce que là, ça va être la décision. Mais qu'on ait le go un peu pour commencer à annoncer l'expansion. On va commencer à le diffuser. Ça va être dans les prochaines semaines. On travaille présentement avec eux autres côté organisation. Parce que là, les heures de glace doivent se réserver tout de suite. Là. C'est ainsi de l'année là, pour le mois de septembre. Oui, non. Ça, c'est ce que je vous dis. C'est tout dans le plan, c'est tout dans le planning. On a tout évalué cette partie-là. Et que c'est pour ça que je dis que on regarde ça. Puis dans l'AGA qui va avoir lieu au mois de mai, probablement, que là, ça va être là qu'on va commencer à discuter. À savoir si on accepte l'expansion ou pas, ou qu'on décide de rester avec quatre équipes là, pour le reste de pour l'année prochaine, pour la saison 2018-2019. OK. Donc, si on y allait maintenant avec les marqueurs, comment ça. D'abord, la saison, les séries commencent quand? Hein? Là, il nous reste deux semaines à notre saison. Donc là, en fin de semaine prochaine, on a encore deux matchs. On a un match à Dolbeau, je pense que c'est Pierre qui visite Dolbeau, ouais. Qui a lieu samedi soir. Vendredi, on a le match qui va avoir Haute-Côte-Nord qui visite Charlevoix. D'ailleurs, Charlevoix organise justement, je vais en faire l'annonce parce que ça passe sur les réseaux sociaux. Et quand ils m'ont profité pour faire un hommage à Anne-Renée Desbiens, qui était la goaleuse numéro 3 aux Jeux Olympiques cette année pour l'équipe qui a pour Team Canada. Elle va être présente ce vendredi soir pour la mise en jeu protocolaire. Donc, ils font une soirée hommage là, à Anne-Renée qui provient de la région de Charlevoix. Okay. Donc, ça va être pour notre week-end qui s'en vient. Et la semaine prochaine, par cœur, je me rappelle pas, mais je pense qu'il reste encore un match à Dolbeau et un match à Clermont encore. Puis après ça, on finit la saison. C'est un 3-5 ou un 4-7? Ça va être des 4-7. La première ronde, les demi-finales, ça va être 4-7. Ça va jouer sur 3 semaines. Également pour la finale, là, la même formule aussi pour 3 semaines. On a 6 semaines pour jouer les finales. OK. Autre chose à ajouter, peut-être? T'avais peut-être d'autres choses à ajouter, peut-être, en terminant? Ben, le côté, comme je dis, ça va bien côté de la Ligue. On est quand même des très bonnes foules en moyenne. On se cachera pas, ça a baissé un peu. On a aperçu une petite baisse après les fêtes, mais ça, c'est partout pareil. Pourtant, là, dans les idées qu'on a constatées. Normalement, c'est vrai que ça se fait monter, normalement. Mais on va se dire, même au Marquis, si on regarde, là, ça avait baissé. Les Saguenayens aussi, ça avait baissé un petit peu, mais pas à raison des qu'est-ce qui s'est passé, l'histoire de Saint-Georges-Vizina. Mais après les fêtes, là, surtout dans la région du Saguenay, avec la pêche là, qui commence et tout. Là, on commence à avoir une petite diminution côté foule. Même côté côté Forestville. Il y a la période des tournois, il y a les obligations familiales aussi de certains joueurs. Fait que, ça veut dire que oui, dans cette période-là, on a une petite baisse, mais l'année prochaine, justement, j'ai demandé au gouverneur d'essayer de trouver un plan stratégique pour éviter qu'on ait des baisses en saison. Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire en sorte de pouvoir augmenter augmenter nos foules et que ça soit stable? Fait qu'on travaille là-dessus sur un plan là, pour la prochaine saison. OK. Évidemment, c'est une période de rodage. On ne se contente pas d'histoire. Là. C'est une période de rodage. C'est exactement ça. On est en rodage. On commence la ligue. Donc là, on a déjà toute une liste de choses qu'on va essayer de faire l'année prochaine pour s'améliorer. Mais je l'assure que la ligue va être de retour. C'est sûr qu'il va y avoir un minimum de 4 équipes qui vont être là. Puis on va faire en sorte de pouvoir travailler pour que la ligue s'améliore. Qu'on est vraiment là, qu'on puisse offrir un excellent produit pour les spectateurs, pour les joueurs et toutes les organisations. OK. Ben, on s'en reparle la semaine prochaine. Il n'y a pas de problème. Mathieu Garon, le directeur général de la Ligue du Lac aux Fleurs.